Bernard, dans la deuxième partie, le sujet, le burn-out. Dans une société qui force quasiment la consommation chez l'individu, et puis en relation un petit peu avec ce qu'on parlait tout à l'heure, le phénomène de la croyance, les gens sont fortement stimulés par les médias à vivre des performances au niveau travail, au niveau de la consommation dans bien des cas, puis même au niveau des couples. Ça aboutit généralement, ou fréquemment du moins, dans un burn-out. Est-ce qu'il y a une perception, quand on parlait tout à l'heure de ne pas croire, est-ce qu'il y a un aspect de la psychologie supramentale qui permet aux gens d'éviter un burn-out? Et comment, du point de vue que vous, vous pouvez l'approcher, comment vous définissez le burn-out? Est-ce qu'il y a dans le burn-out une dimension qui peut être éliminée quand l'individu est soumis à des pressions sociales quelconques? Est-ce qu'il y a une dimension de son mental qui peut être retirée du bombardement astral dans lequel il est pour vivre un burn-out? Si on peut regarder le burn-out de plusieurs points de vue, mais si on veut réellement simplifier le burn-out, là, le burn-out, c'est le résultat d'un manque d'identité personnelle. Je vous donne un exemple. Un type travaille dans une compagnie, une grosse compagnie, beaucoup de compétition, les vendeurs, par exemple. Puis il y a un boss, puis il est poussé, puis tout ça. Là. Puis il y a un mortgage, une maison, tout. Quand tu regardes le burn-out de n'importe quel point de vue, tu vas toujours être obligé d'en arriver éventuellement à saisir le fait que l'individu manque d'identité. Le burn-out, c'est un manque d'identité. Un manque d'identité qui fait en sorte que l'individu n'est pas capable de s'approprier des valeurs personnelles au-delà des valeurs qui lui sont inculquées. Le burn-out, c'est un manque de maturité. C'est un manque de maturité, c'est un manque d'intelligence, c'est un manque d'identité. OK. Sur un plan. Sur un autre plan, c'est une incapacité de dire non qui relève du premier plan, qui est un manque de maturité, de centricité, d'identité. Mm-hmm. L'homme, dans la vie, surtout dans une vie complexe comme aujourd'hui, l'homme ne peut pas se permettre indéfiniment de ne pas pouvoir dire non. Quelque part, il faut que tu te ranges. À tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, social. Puis, on n'a pas été tellement habitués, nous autres, dans notre éducation, dans notre culture, à dire non. Donc, quand tu n'es pas capable de dire non, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu entraves ton propre développement, c'est-à-dire ta propre ascension vers un centre de gravité qui est le tien, mais aussi tu appauvris énormément ta vie parce que tu passes ton temps à donner, puis donner, puis donner, puis donner, puis donner, puis donner, puis donner. Du burn-out, c'est trop donné. Pourtant, les gens qui vivent un burn-out ont l'impression d'avoir travaillé pour eux-mêmes. L'impression, ça c'est l'impression qu'ils ont, mais c'est pas la réalité. Ils ont trop donné d'eux-mêmes. Donc, sur le deuxième plan, l'incapacité de dire non, autrement dit, d'arrêter le mouvement de notre propre astralité, qui est connectée à notre insécurité et tout ça, ça fait partie du burn-out. Bon, le burn-out, vous dites qu'il est lié en grande partie au fait de ne pas être capable de dire non à un certain rythme, à un certain tempo. Mais dire non, il y a des conséquences. Dire non, les conséquences de dire non sont toujours des conséquences qui sont proportionnelles à notre insécurité de vivre la conséquence. Mais... Pas de mais là-dedans. OK, ouais. Je peux pas taponner avec ça. Dire non, c'est toujours relié à notre insécurité face à la conséquence. Puis un homme qui est moindrement conséquentiel avec lui-même est obligé de dire non puis arrêter d'être conséquentiel par rapport à ce qui est périphéral à lui. Ouais. Sans ça, tu vis plus, tu existes, tu es simplement une pièce dans la grosse machine. Fait qu'éventuellement, tu te brûles. Si tu vis dans une société comme en Amérique, mais tu te brûles encore plus. Bon, là, vous dites que, indirectement, vous dites qu'une entreprise va tout prendre ce qu'elle peut d'un individu. Une entreprise n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'âme. Une entreprise, ça n'a pas d'âme. Une entreprise, c'est basé sur le profit, que ce soit une entreprise socialiste, que ce soit une entreprise capitaliste. Une entreprise, ça n'a pas d'âme. Donc, si tu es capable de dire non, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu, ça c'est important, ça c'est le troisième plan. Si tu es capable de dire non dans la vie, c'est ce qui arrive, c'est que tu t'empêches d'avoir accès à d'autres alternatives. Parce que quelque chose d'intéressant concernant la conscience humaine, c'est que on accède à notre conscience au fur ou à mesure où on établit une dynamique de conscience. Quand tu es capable de dire non, tu rentres dans une dynamique de conscience supérieure. La vie, ça continue, ton esprit est là, en arrière de l'âme, en arrière de l'ego. Tu vas toujours être fidé de l'énergie pour faire quelque chose. Ça n'existe pas, ça, l'affaire que tu perds ta job puis la vie est finie. Ça n'existe pas, l'affaire que tu perds ta femme ou tes enfants en dessous d'un camion puis la vie est finie. La vie, elle continue. Il y a des raisons pourquoi tu perds ta femme, ton enfant, ta job. Ça, c'est évident. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'inconscience. Mais la vie, ça continue tout le temps. Alors, si l'homme n'est pas capable de dire non, lorsqu'il s'aperçoit que son niveau d'énergie est sapé par les aspects paramétriques, ou paranuméraire à sa conscience, à ce moment-là, il est obligé éventuellement de payer le prix. Parce que, ultimement, l'homme est un être libre. Mais il n'est pas libre. Parce qu'il est inconscient. Donc, il vit du burn-out. Tu peux pas dire, ben oui, mais si. On fait ça toute notre vie, mais oui, mais si. Okay. Il y a combien de nous autres qui ont été mariés, on a eu des enfants, on a eu des blondes, on a eu des guidons, on est en amour par-dessus les oreilles. Les oreilles, il y en a, les oreilles étaient mauves. D'amour. Puis on ne pouvait pas s'imaginer vivre sans notre mec. Puis là, notre mec il est parti, on a fait des crises, il est revenu parce que lui aussi, il était attaché de culpabilité, papa. Mais un jour, c'est devenu totalement inconsistant qu'on vive avec. Puis comment ça s'est manifesté? Bon, mais ça s'est manifesté dans une crise de jalousie. Là, il t'a donné un coup de poing sur la gueule. Là. Ça a pris un coup de poing sur la gueule, puis tu dis au mec, mange dans la merde, crise dans ton camp. Mais avant ça, quand c'était pas des coups de poing sur la gueule, puis c'était des petites tapes sur les fesses, puis un petit peu de couchette le soir, puis tout ça, là, tout le grévé, bon ben, t'étires encore, t'étires. Fait que finalement, tu t'amènes au burn-out. Mais quand t'as rencontré le mec, puis t'as parlé au mec, puis tu disais, oh mec, tu travailles-tu? Le mec, il disait, oh, moi, j'aime pas ça me travailler, j'aime ça me faire vivre, mais je suis bon dans le lit. Fait que toi, t'es rentré dans le lit, puis t'es au bien job, au bout de 5 ans, c'est évident que le mec, tu vas être pour le mettre dehors. Mais ça va être dur, parce que c'est astral, le lit, c'est fort, le lit, comprends-tu? Mm-hmm. Fait que c'est de même que ça marche. On se joue des games constamment, on est constamment astralisé. Fait qu'on a peur de dire non. Là, je parle... Bottom line. Je donne un exemple comique, là. Ouais. C'est le principe qui m'intéresse, c'est pas l'exemple. Ouais. On a peur de dire non, puis l'homme a peur de dire non. Bon, on entend aussi parler, c'est difficile de prendre ça à l'oreille, là, mais on entend parler des jeunes qui font des burn-out, des étudiants qui font des burn-out. C'est-tu le même point, là? Ils savent pas dire non, sous prétexte qu'ils veulent réussir absolument dans leurs études ou ils vivent le même problème de surmenage, ni plus ni moins mental. C'est encore là un problème de dire non? Oui, mais c'est pas tellement du burn-out que les jeunes font, c'est de la dépression, c'est de la déprime. Il y a une différence entre la déprime. Qui brûle, autrement dit, ça leur enlève leur énergie. C'est pas un jeune qui vit ce qu'on appelle un burn-out parce que il est pas capable d'en arriver à se placer au niveau de ses études, blablabla. Ça, c'est de la déprime, puis c'est très complexe parce que ça fait partie du fait d'abord qu'il vit sa vie d'étudiant dans un système pour lequel il n'y a plus de respect. Il vit sa vie d'étudiant dans un système où, par exemple, il y a beaucoup de drogues qui se promènent. Hein? Puis la drogue, pourquoi est-ce qu'elle se promène? Parce qu'en 1960, quand il y avait les pieds avec les cheveux jusqu'aux fesses, les gouvernements qui étaient libéraux dans ce temps-là avaient peur de dire non. Fait que les gens disaient, ah ben, saigne du pout. Le pout, c'est pas grave. Puis les gens sont pas assez intelligents pour comprendre que tout ce qui est astral, ça se développe. Fait que ça commence avec du pout, puis en 1990, c'est du pout-pout. Là, c'est du crack qu'on a, là. Comprends-tu, là? Mais là, il est trop tard. Puis là, t'as toute une hiérarchie, t'as tout un mouvement souterrain paramilitaire, para-idéologique qui vient de la Colombie, ainsi de suite, là, qui veut mettre la civilisation occidentale sur le CUL. Ça fait que nos gouvernements sont pas intelligents, puis nous autres, aujourd'hui, ben, parce qu'on veut se faire réélire, Puis c'était pas en mode dans le temps, parce qu'on était libéral après la Deuxième Guerre mondiale, comprends-tu? C'était pas en mode, puis on a encore du libéralisme, puis on en souffre du libéralisme. D'ailleurs, c'est le libéralisme qui est basé sur l'incapacité des chefs de gouvernement, des députés, tout le monde qui run dans les pays là pour le pouvoir. C'est le fait que ces gens-là sont pas capables de dire non à des abus dont ils sont conscients. Dont ils sont conscients, mine, petit à petit, mange la fabrique sociale. Fait qu'il va venir un temps où le monde, les gens, le peuple, les gens ne seront plus intéressés de voter parce que le gouvernement n'a pas de poing. Le gouvernement n'est pas capable de dire non. Quand c'est assez, c'est assez. Tu sais? Je te donne un exemple. Là, je ne veux pas rentrer dans la politique, là, ah, rien de ça. Je te donne un exemple. Trudeau, quand je ne parle pas de Trudeau, comme je ne veux pas dire que je vais voter pour Trudeau. Où j'aurais voté pour toi. Mais je te parle de dire non. Quand il y a eu le mouvement du FLQ dans les années 70, il a pris une décision, le gars, il a amené l'armée ici, ça a fini. Bang! Ça, c'est la responsabilité d'un gouvernement. Puis, au niveau du gouvernement, au niveau de n'importe quel gouvernement, les décisions les plus intelligentes sont toujours les plus dures à prendre. Mm-hmm. Fait que quand tu as des gens qui ne sont pas capables de prendre de décision parce que c'est pas favorable au vote, parce que c'est pas favorable aux pôles sociaux, ça te donne quoi d'avoir des gars au gouvernement? Un gouvernement, c'est fait pour gérer, faire une gestion créative du patrimoine social, des forces sociales. C'est pas là pour taponner avec ce que le monde pense. Ouais. Faut que tu prennes des décisions. Les hommes qui ont pris des décisions au niveau politique ont été souvent assassinés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été assassinés? Parce qu'ils ont pris des décisions. Fait qu'au niveau de la vie personnelle, c'est la même affaire. Il faut que tu prennes des décisions. Puis on est rendu un point aujourd'hui où les gens ne veulent plus prendre de décisions, où les gouvernements ne prennent plus de décisions, puis il va venir un temps où ils vont être obligés d'en prendre. Parce que ça s'astralise, ça s'astralise, ça s'astralise. Les Américains en Californie, il y a quelques années, là, quand les taxes montaient, puis les taxes montaient, puis les taxes montaient, puis les taxes montaient, puis les taxes montaient, ça c'est mécanique, ça. T'sais, la grosse bureaucratie. Mais un jour, il est venu un temps où le monde disait, oh, c'est assez les taxes, ça n'a plus d'allure, on n'en paye plus de taxes, puis ils ont fait un colloque, les Américains, se sont mis ensemble en Californie, puis ont boycotté complètement l'affaire des taxes. Le gouvernement a été obligé d'arrêter d'imposer des taxes parce que c'était devenu totalement mécanique. Fait qu'on est rendu là, là. Fait que quand tu prends le petit gars, ton petit étudiant, qui est pris dans une situation telle que celle-ci, comment si tu veux pas qu'il fasse ce que vous autres vous appelez un burn-out, mais qui est simplement un état de dépression temporaire? Parce que il n'y a pas de sortie. Si, par contre, le petit gars avait des parents réellement, là, réellement conscients, sensibles, puis qui avait été amené petit à petit au cours de son évolution, là, à développer un centre de gravité, là, il passera à travers ça. Il passera à travers. Mais comme les étudiants aujourd'hui sont pris bien plus entre eux autres puis le système, qu'entre eux autres puis les parents puis le système, ben, on finit avec des étudiants qui sont découragés. Puis c'est notre fort. C'est notre fort. Tu peux pas demander à un jeune de 18 ans ou de 17 ans ou de 15 ans ou de 16 ans de comprendre la vie. Mm-hmm. Faut que tu lui donnes les outils pour aller puis se construire une vie. Mais tous les éléments, les valeurs, les paramètres qui peuvent lui permettre de se construire une vie sont en train de s'effriter. Fait que les jeunes, bon, ben, ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui, puis t'as la drogue à côté de ça, puis t'as la musique à côté de ça, de tout l'engouement là, psychosocial à côté de ça, là. Fait que, mente pas pourquoi ces jeunes vivent ce que t'appelles un burn-out, que moi j'appelle pas un burn-out. Un burn-out, c'est quand tu travailles, t'es dans la société, tu travailles, tu te démènes, puis tu te démènes, puis tu te démènes pour faire quelque chose, puis un jour, t'en as trop fait, parce que t'avais l'insécurité de mettre un stop pour pas perdre ce que t'avais commencé à construire. C'est ça du burn-out. OK. Alors... La mère qui donne à son enfant, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne. Tu sais, les mères qui se meurent, là, avec les gros bras, puis les belles poroses, puis ils se meurent, là, tu sais. Mm-hmm. Le gars, il sort, le mari, il sort jamais de temps en temps, fin de semaine, pour aller prendre un petit hamburger, même chez McDonald's. Mm-hmm. La bonne femme est à la maison depuis 40 ans. Comment est-ce que tu veux qu'une femme soit à la maison depuis 40 ans, qu'elle lave des shorts, qu'elle fasse du pâté chinois, puis qu'elle lave des couches, puis qu'elle torche le gros qui arrive le soir, mm-hmm. puis qu'elle fasse pas, elle aussi, un burn-out par en dedans? Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de dire non. Pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'elle n'a pas d'éducation, peut-être qu'elle fait partie de la vieille génération. Son mari, c'est son seul recours. T'sais. Par contre, il y en a qui sont capables d'apprendre la décision, mais souvent, ça arrive après des années de souffrance. Tout d'un coup, le cas qui ont dit non un jour, là, ils s'aperçoivent que c'était donc facile de le faire. Mm-hmm. Ceux qui ont dit non, là, ceux qui ont eu des grosses peines d'amour, là, t'sais, le gars croyait, là, puis il souffrait dans leur bottine le soir. Le gars disait, mais j'arrive, là, je vais arriver vers 9h parce que j'ai du travail au bureau, là, t'sais. Puis la fille, elle savait qu'il trichait, là, puis c'était à 9h, mais il était au barbecue, là, avec l'autre, là. Mais il était pas capable de couper. La journée que c'est devenu too much pour ses petits nerfs, puis qu'elle a coupé, qu'elle a fait la crise, puis elle a cassé des belles assiettes de faïence qu'elle avait achetées en France, là. Elle se sent-tu bien après? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Parce que t'es insécure. Bon, fait que ça revient tout à l'insécurité de l'ego. Moi, j'ai pas de sympathie pour les gens qui ne sont pas suffisamment alertes à leur intelligence pour investir dans leur vie intelligemment. Quand même, tu me dirais, mais j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma job, il m'est arrivé telle affaire. Un être humain qui est pas capable de se reprendre en main. D'ailleurs, il m'a dit une chose, je n'inviterai plus personne à mes séminaires, puis je l'ai dit à ma secrétaire d'ailleurs, il n'y a personne qui va venir à mes séminaires si on n'a pas une job. Fait que l'affaire d'avoir des gens qui viennent à mon séminaire, là, qui sont sur l'assurance sociale, j'y prendrai même pas. Donc, trouver une job, j'irai à mon séminaire. Voilà. La raison, c'est parce que si... Il y a plusieurs raisons, mais je vais t'en donner une bonne. Un gars qui vient à mon séminaire puis qui travaille pas depuis 2-3 ans, qui est capable de se trouver, c'est quoi ça, mon séminaire, qui est capable de se trouver l'argent de venir à mon séminaire pour se faire remplir la tête de mes idées, il va travailler encore moins après. Comment tu veux dire? Parce qu'il est déjà débalancé. Fait que... Moi, je suis pas intéressé à des gens qui vont à mes séminaires, ils vont capoter sur le top après. Je veux des gens qui sont du monde normal, qui viennent à mes séminaires, puis quand ils retournent dans le job, mais ils travaillent mieux. Ils travaillent plus intelligemment. Quand ils retournent dans leur vie de mariage, ils vivent le mariage plus intelligemment. Ça, c'est intéressant. Okay. Mais le gars qui vient à mon séminaire, puis qui a pas de job depuis 2 ans, puis qui va se faire remplir la tête par mes idées, puis que je sais qu'il va, en manger de ça, tu sais. Puis il va m'envoyer des lettres. Puis il va me dire, ben Bernard à Montréal, je pourrais te rencontrer, prendre un petit café, je suis prêt à te rencontrer, là. J'ai des affaires à faire avec toi. Personne n'a rien à faire avec moi, je veux pas rencontrer personne. Si je voulais, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vais faire une conférence de même, puis je vais vous sortir, m'emmener mes dossiers de lettres, mes milliers de lettres que j'ai reçues depuis des années, puis je vais vous en lire. Vous allez voir qu'il y en a qui sont pas drôles. Ils sont pas drôles. C'est réellement la grosse déprime. La grosse, c'est réellement, tu parles de flyer, là, il y en a du monde qui flyer. Puis sais-tu que je commence à avoir peur de ça, du monde qui flyer? J'ai assez peur de ça, du monde qui flyer, que là, j'ai décidé de plus, le gars, s'il n'a pas de job depuis 1 an, puis qu'il n'est pas à me fournir une lettre comme quoi son boss, il dit c'est un bon travailleur, je ne le fais pas venir à mon séminaire. Ça va être une protection pour lui, anyway, puis moi, ça va être un repos pour moi. Je t'en ai de ça. Oui, je comprends. Non, tu comprends pas, parce que t'es pas dans ma situation. T'étais en sympathie avec ce que je dis. Bon, ben, je suis très sympathique à votre cause. Mais maintenant, je retiens un point. Vous parlez de burn-out et de déprime, mais surtout du point où il faut prendre une décision. Et où est-ce qu'on peut savoir qu'on a une décision à prendre ou qu'on a une expérience qu'on doit vivre? On a une décision à prendre tout de suite. Là où on souffre. Ah, mais il y a des expériences qu'on a à vivre dans la vie. Là où on souffre. Ouais. Si tu souffres de ne pas avoir d'argent pour payer ton loyer, tu as une décision à prendre, trouve-toi un job, quand même tu seras médecin de Christ, va travailler comme waiter en attendant. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de job comme médecin, va travailler comme waiter. Dis-moi pas, il n'y a pas de job. Il y en a des jobs. Va travailler comme waiter. Tu souffres en amour, ton mari boit. T'as une décision à prendre. Arrête de boire, passe-toi ou je crisse mon camp. Je reviendrai après, peut-être. On a une décision à prendre là où on souffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, le monde, il se casse la tête dans la vie, puis le monde s'éloigne toujours des principes. Le principe, c'est que dans ta vie, si t'as pas d'ordre, tu ne peux pas bénéficier de ta vie. Puis la première chose que le monde doit faire, ou surtout aujourd'hui, c'est de se créer de l'ordre. Comment est-ce que tu veux te créer de l'ordre si tu vis un désordre illusoire? Puis de l'ordre, c'est pas toujours facile à créer. Je parle pas de l'ordre, là. Je parle pas de l'ordre, mécanique factice, là, que certaines personnes ont, là. Ils ont leur check à tous les mois, ils ont leur sécurité toute leur vie, la bonne femme, elle va pas le lâcher parce qu'elle est habituée. Je parle pas de cet ordre-là, là. Je parle de l'ordre créatif où, si tu souffres, faut que tu te prennes une décision. Ça, ça prend un centre de gravité. Un homme qui commence à comprendre ça, éventuellement, il commence à comprendre l'essentiel de sa relation avec la vie sociale, matérielle, psychique, émotive de sa société. Sans ça, tu deviens numéro, tu deviens une vapeur, tu deviens torchon. Puis là, si ça va mal, puis l'économie américaine va mal, ça se transfère au Québec, là tout tombe. Mm-hmm. Faut que l'homme prenne des décisions. Le problème de l'individu, c'est qu'il est pas capable de prendre des décisions. Puis je parle des décisions intelligentes, là. Ouais, les meilleures décisions, les plus grandes décisions, les plus intelligentes des décisions sont toujours les plus difficiles. Parlez-moi pas des petites décisions faciles. C'est pas des décisions, ça. Ça, c'est purement un exutoire. C'est un exutoire pour la faiblesse. Une décision. Bon, c'est probablement ce point-là, parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ont à souffrir ou qui vivent de la souffrance, mais en tout cas, pour en rencontrer souvent, c'est plus de la complainte qu'ils vivent. Puis, dans un sens, pour en arriver à une intégration, ils sont obligés de supporter ni plus ni moins la situation dans laquelle ils sont pour pouvoir intégrer. Bon, il n'y a pas de décision à prendre là-dedans, là. Dans une situation comme celle-là, la personne subit une situation. Donc, quand on peut prendre une décision, vous dites quand on souffre, est-ce qu'il faudrait un peu plus que le fait de souffrir pour être capable de supporter la décision? Parce qu'il y a bien des gens qui vont réagir et puis vont avoir l'impression dans leur réaction de prendre une décision. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que quand tu souffres, faut que tu prennes une décision. L'homme n'est pas capable de prendre une décision quand tu souffres parce qu'il souffre pas assez. Fait que c'est quand tu souffres bien gros qu'il en prend une. OK, fait qu'il y a un niveau de souffrance. Moi, là, on va dire une chose, là. Je suis rendu tellement un spécialiste. Moi, j'étais un maître de la décision. J'étais un maître de l'ordre. Moi, là, aussitôt, un petit peu que je souffre. C'est pas des souffrances pour vous autres, là. Pour moi, là. OK, hein? Parce que je suis pas mal névrosé. Je peux souffrir une petite affaire. Bon. Si je souffre, je prends une décision. Je l'arrange. Je la tasse. Mais, je suis pas comme ça aujourd'hui. J'étais pas comme ça avant. Avant, ça faisait plus longtemps pour prendre une décision. Mais au fur et à mesure que mes corps sont sensibilisés, aujourd'hui, je prends une décision tout de suite. Fait qu'à ce moment-là, je garde toujours mon avion en équilibre. Sans ça, tu t'en vas vers le pic. On attend trop longtemps pour prendre une décision. Là, tu vas dire, mais on peut-tu changer ça? Je te dirais que non. Il n'y a pas des décisions pour améliorer une situation dans laquelle on souffre. Une personne souffre, puis elle prend une décision pour améliorer la situation. Ça n'existe pas, ça, une position comme celle-là? Améliorer une situation, ça peut être très tangentiel. Autrement dit, tu peux améliorer une situation parce que tu peux avoir l'espoir que ça va aller mieux. C'est pas l'affaire d'avoir l'espoir que ça va aller mieux. Il faut que ça aille mieux tout de suite. C'est ça la différence. Il y a bien des gens qui prennent des décisions avec l'espoir que ça va aller mieux. Il va arrêter de boire. Ou il va en arriver par m'aimer. Mm-hmm. Ça fait partie de l'insécurité de l'ego. Une décision, c'est une décision. Une décision, ça part à partir du mental. C'est pas astralisé, c'est fret. Tu prends ta décision, t'ajustes ta vibration, t'ajustes ta vie, tu mets de l'ordre, puis tu continues. Mais vous dites que finalement, on peut prendre des décisions même si on a à perdre des bons éléments. Les bons éléments, c'est quoi un bon élément? Ça veut dire quoi, c'est un bon élément? Qui c'est qui est un bon élément dans ta vie? Un bon élément dans ta vie, c'est un élément qui va te permettre de vivre ta vie au maximum, pas au minimum. C'est ça, un bon élément. Un élément créatif, autrement dit. Fait que si t'as un élément créatif dans ta vie, à ce moment-là, t'as pas de problème. Mais si t'as un élément qui est pas créatif dans ta vie, à ce moment-là, t'as un problème en potentiel. Quelque part, tu vas être obligé de prendre une décision. La vie, c'est une suite de prises de décision. Seulement, il y a des gens qui attendent 60 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans pour en prendre. Au lieu d'apprendre, non. Puis, c'est pour ça que je dis, ça dépend des individus, ça dépend des caractères, des poissons, des sagittaires. Ma femme, c'est une sagittaire double. OK? Puis laisse-moi te dire qu'elle, elle en prend des décisions. Mais elle prend des décisions parce qu'elle refuse complètement de souffrir. Ça fait partie de sa prérogative. Puis moi, je suis son mari, puis je suis Bernard à Montréal, puis c'est pas parce que je suis Bernard à Montréal qu'elle peut pas me crisser là. Puis je le sais, ça. Ça veut dire, Bernard à Montréal, fais pas ton initié avec moi. Organise-toi pour que la vie de famille, moi, ma fille, puis toi, ça fonctionne en dehors de ton travail. Ton travail, c'est une affaire, notre vie de famille, c'est un autre travail. Fait qu'organise-toi. Fait que si je m'organise pas, elle va me crisser là, puis elle est capable de le faire, puis je le sais qu'elle est capable de le faire, c'est pour ça qu'elle m'aide à prendre des décisions, parce que moi, en tant qu'initié, je suis capable d'étendre, j'ai de l'élastique. Mais quand elle est rendue à un point qu'elle a réellement un centre de gravité là, développé, là, qu'elle est réellement à la même mesure vibratoire que moi, il n'y a plus de taponnage avec elle, ma femme de Montréal. Fait que prends-la la crise de décision. Et là, puis laisse-moi dire, calice, que vous la connaissez pas. C'est de même que ça marche. Mais si, parce que je suis bonhomme de Montréal, m'a le toffé, elle m'a toffé pendant bien des années parce qu'elle n'a pas la force, elle est en évolution, elle s'en allait vers un centre de gravité. Mais aujourd'hui, elle ne me toffe plus. Là, c'est moi qui a vie avec elle. C'est moi qui bénéficie de son esprit là, dans cet équilibre extraordinaire-là qu'on a. Mais ça, faut le faire. Puis c'est quoi qui l'amène, elle, à ça? C'est la souffrance. La souffrance. Fait que l'homme... L'être humain, il attend toujours des crises. Moi, je suis un initié, fait que c'est facile pour moi de créer des crises. Fait que j'en ai créé des crises, mais t'es assez intelligent pour en arriver un jour et dire, wow, c'est assez, là. Bernard de Montréal, pas Bernard de Montréal, là. Décide-toi. Par là ou par là. Fait que comme je suis bien intelligent, j'ai compris. Comprends-tu, là? OK. Mais là, je voudrais pas prendre votre cas comme exemple, non, mais je voudrais... Non, mon cas, là, ben je te donne mon cas comme exemple. En voulant dire, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Ah ben, c'est parce que je veux poser une question, mais je veux pas la coller à ça. Ouais. Si une personne prend une décision parce qu'elle souffre d'une situation, puis que l'autre prend une décision parce que la décision que l'autre vient de prendre, ça le fait souffrir, comment ça se balance, cette affaire-là? Parce que dans un couple ou dans un milieu de travail, par exemple, un employé, son patron est trop... Il manque de respect vers sa personne, fait qu'il prend la décision de dire à son patron qu'il manque de respect. Le patron, il reçoit l'information, puis il dit, moi, je prends la décision de te mettre à la porte. L'employé dit, bon, c'est ça, mange la marque, je pars. Bon. That's it. Puis s'il avait été réellement intéressant, intelligent, l'employé, puis que le patron avait dit, le patron, il aurait manqué de respect. Okay? Puis l'employé aurait été réellement intelligent. L'employé n'aurait pas dit « tu manques de respect ». Il aurait dit « mon tabarnak, si tu manques de respect, la prochaine fois, je crisse mon camp ». Là, il aurait mis le patron sur le spot. Là, il s'en va y faire toute une élogie, là, que tu manques de respect. L'autre va dire « bon, je te manque de respect, mon petit cul, puis si t'aimes pas ça, prends le job, prends pas ». Fait que le gars, il était pas assez intelligent, il était pas assez centrique okay. pour dire, mon tabarnak, tu manques de respect la prochaine fois, trouve-toi un autre gars tout de suite, puis je suis prêt à partir right now. Give me je prends ma own walking paper. Moi, je l'ai fait avec un juif le bien des années quand je travaillais chez Rockland. Mm-hmm. Le juif est arrivé en haut, puis il dit à l'autre gérant en haut, il dit, les employés sont pas supposés de boire du café au restaurant, dans le magasin. Fait que l'autre en haut, le gérant, il me dit à moi, il dit, les Bernard, il dit, les employés sont pas supposés de boire du café au magasin. Fait que le juif est descendu en bas, puis moi j'étais un bon employé. Laisse-moi dire que je faisais affaire de l'argent. Fait que ça, je savais ça. Fait que là, il est rentré en arrière, il est allé dans le warehouse, il s'est promené. Là, il est passé à côté de moi, puis quand il est passé à côté de moi, j'ai offert du café. J'ai dit, would you like some coffee? Il dit, no, thank you. Il remonte en haut. Il a fermé sa gueule. Parce qu'il savait que j'étais un esti de bon employé. Fait que mon tabarnak, si tu veux pas que je bois un petit café, fuck you, I take my walking paper. Mais ça, ça prend un centre de gravité. Comment tu veux dire? Non, c'est ça, je veux dire. Okay. Bon. On était tellement diminués. On était tellement... Peut-être que si j'avais été inconscient, j'aurais pas pu faire ça. Parce qu'on a toutes sortes de mécanismes de sécurité, mais d'insécurité. Mais déjà conscient, déjà dans ma fusion, j'étais capable de le faire. Donc aujourd'hui, je suis capable d'expliquer. Ouais. On était tellement diminué dans notre énergie, dans notre personnalité, dans notre personne, qu'on a passé notre vie à manger de la merde. Il va venir un temps, l'homme conscient ne pourra pas manger de merde. Puis l'homme conscient ne mange pas de merde. Mm-hmm. Ni de l'âme, ni des morts. OK. C'est ça la conscience. Bon, on est d'accord qu'il y a décision puis il y a réaction. Décision, c'est décision, c'est pas une réaction. C'est une décision. Une réaction, c'est un mouvement. S'ajuster à la décision de l'autre. Votre femme prend une décision, vous réagirez jamais négativement. Ah ben non, parce que c'est intelligent. Fait que si elle prend une décision, je dis, bon, je regarde ça, puis je dis, ouais, c'est intéressant, j'ai pas vu ça. OK, on s'en va par là. Pop! C'est ça. Je m'en vais avec elle. Donc, un constat d'intelligence. C'est un constat d'intelligence, c'est ouais. Ça. Mais il faut que ça soit une décision intelligente. Si ma femme m'arrive avec une platitude qui est impossible, automatiquement, ben ça m'en fera pas. Mais si elle m'arrive avec une décision intelligente, qu'elle peut pas faire autrement à cette heure parce qu'elle est trop avancée, automatiquement, ben elle monte un autre point de vue, mais je dis, bon, ben, c'est ça, paf. C'est ça. C'est ça l'affaire. Fait que, dans un sens, une décision, ça magnétise l'autre à prendre une décision dans le même sens. C'est intelligent, ce que tu dis. Une décision, si c'est intelligent, ça va magnétiser l'autre à aller dans la direction de l'intelligence. Ça, c'est un signe de la décision dans une intelligence. Si la décision ne magnétise pas l'autre, elle le repousse, et à ce moment-là, la décision n'est pas nécessairement intelligente et elle fait partie de l'expérience de l'âme. Elle ne fait pas partie du pouvoir de ton esprit. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui excluent les gens, puis on pourrait parler d'émotionnel à ce moment-là. Il y a des décisions, la plupart des décisions excluent les gens, puis il y a très peu de décisions qui incluent les gens à un autre niveau relationnel dans le processus évolutif de la vie. Est-ce qu'on peut reconnaître l'intelligence d'une décision par sa capacité d'association? On est capable de reconnaître l'intelligence d'une décision par sa capacité de nous rendre plus intelligents de ce qu'on n'a pas vu avant. L'intelligence qu'on a pas vu. Comment tu me dis? Ouais. Ce que je comprends, c'est que... Si tu prends une décision et tu me fais voir quelque chose que j'ai pas vu avant, tu magnétises mon mental, tu me donnes accès à une partie de ton esprit dont je bénéficie pour aller plus loin avec toi dans la décision. Donc, c'est comme si, en fait, ce qu'on est retiré, ça nous est redonné à un autre niveau. C'est ça. OK. Parce que dans une décision, il n'y a jamais de perte. C'est toujours un agrandissement du champ de conscience, donc c'est un agrandissement du potentiel de vie, c'est un agrandissement du pouvoir de ta conscience. Ça, c'est un point important. C'est très important. Parce que dans une réaction, il y a toujours une perte. Tout le temps. C'est pour ça que les gens prennent quasiment toujours des décisions sur le plan d'une réaction, puis ça leur pète d'en face. Une décision, ça doit être mental, intelligent, créatif, le plus transparent possible. L'autre va dire, ben oui, ça a bien l'allure, ouais. Même si l'individu est coupé de la relation, il va savoir que c'est avantageux pour lui. Exemple, dans une structure de couple qui a séparé, la femme décide, elle dit à son mari, exemple, tu sors avec l'autre, t'es mieux d'aller vivre avec elle parce que moi, je vais me retirer. Ses décisions, ça y explique ça intelligemment. Ça va être bien intelligent. Fait que, si ils ont fini leur temps, l'autre s'en va, puis elle va se faire une autre relation. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'éclatement. Il n'y a pas d'éclatement, les enfants en bénéficient. En bénéficient. Voilà. Bon, donc, ça veut dire qu'une personne qui souffre, dans le sens qu'elle est poussée éventuellement à prendre une décision à cause de son niveau de souffrance, de la façon dont vous parlez, elle ne fait pas d'éclat. Il n'y a pas de crise là-dedans. La souffrance ne place pas l'individu en situation de crise pour prendre une décision. C'est froid, la décision. La décision est froide, mais la personne peut utiliser l'énergie de la crise qui est basée sur la souffrance du corps du plexus solaire. Mais mentalement, elle se contient. Ici, c'est fret. Okay. Mais ça, c'est tellement déchiré, ici, là. Il vient un point, c'est déchiré, c'est à vif, là. Mais la décision est-il d'être intelligente? OK. Mais ça va sortir de fuel, ça va servir de fuel, de stim, mm-hmm. pour qu'elle prenne une décision. Bon, est-ce qu'il y a dans le processus d'intégration chez l'individu, on parlait de burn-out, l'individu n'arrive pas à un burn-out du jour au lendemain, c'est progressif. Est-ce qu'il y a des étapes où on ne prend pas la décision qu'il faut? Est-ce qu'il y a des aspects, là, il y a des tranches dans le corps émotionnel ou dans le mental de l'individu où l'individu a des avertissements puis il ne répond pas à ces avertissements-là? Oui. Le burn-out, c'est progressif, puis au fur et à mesure que tu avances dans le burn-out, il y a des choses que tu ne réalises pas, pour toutes sortes de raisons. Supposons que tu es très créatif, par exemple. Mm-hmm. Tu as toutes sortes d'idées, tu as des bonnes idées. Bon, mais ce qui arrive, c'est que les idées servent à t'endormir. Tu as des bonnes idées, puis ton patron est content. Tu as toujours des bonnes idées. C'est cheap, des bonnes idées. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que chaque fois que tu amènes des bonnes idées ou que tu crées quelque chose, tu crées des conséquences. À ça. Je te donne un exemple. Un gars va dire, ouais, moi, j'aimerais bien ça avoir un restaurant. Le gars, il est chez eux, il fait un popote, il est bon, dans les épices, tout ça. Il aimerait ça avoir un restaurant. Il a réellement la vibration pour avoir un restaurant. Un jour, il se trouve un restaurant. Sais-tu qu'un restaurant, c'est de l'esclavage? Faut que tu sois réellement intelligent. Moi, si je m'ouvrirais un restaurant, je mettrais du monde, là. Je mettrais un gérant, là. Bon, si je suis insécure, mais je vais dire le gérant va me voler. Si je suis créatif, je vais me trouver un gérant qui est suffisamment sensible, puis je vais lui donner le restaurant, c'est son restaurant. Je vais passer la fin de semaine, puis je vais prendre mon cash, je vais m'en aller, puis je vais y acheter, peut-être que je vais y acheter une bouteille de vin. Puis je vais le traiter réellement, humainement, mais je serai pas dans le restaurant. Mais je vais m'avoir créé un restaurant. J'ai pas la vibration pour avoir un restaurant. J'ai la vibration pour en créer un, mais j'ai pas la vibration pour en mener un. Fait que si je suis assez intelligent pour savoir ça, parce que j'aime ça faire de la couquerie à maison, puis je pense que je pourrais être un bon restaurateur, je suis fait à l'os. Puis là, je vais tout rentrer dans l'astral du restaurant. C'est de l'esclavage. Fait que si je suis pas conscient de ça, mais là, je vais avoir mon restaurant, puis je vais finir comme beaucoup de restaurateurs finissent, malade. Donc, on a des signes, on a tout le temps des signes. Peut-être quelqu'un qui va te dire, peut-être qu'un gars qui n'a eu un restaurant qui va dire, non, ajoute pas de restaurant, c'est de l'esclavage un restaurant. Bon, donc, si un gars me dit c'est de l'esclavage un restaurant, mais je vais m'arranger pour pas être l'esclave de mon restaurant. Fait que tu vas prendre d'autres décisions. On dirait qu'on n'a pas la finesse d'esprit pour bénéficier de la finesse d'esprit des autres. Mm-hmm. On n'a pas la finesse d'esprit pour bénéficier de la finesse d'esprit des autres. On ne prend pas de décision, en d'autres termes, sur l'intelligence d'un autre. On n'est pas capable de bénéficier de l'intelligence des autres pour prendre des décisions intelligentes puis vite, tout de suite. Ouais. On est obligé d'attendre puis d'attendre. Pis d'attendre. Bon. Comme si l'autre, il nous dit. C'est comme si le gars, il dit un restaurant, c'est de l'esclavage, comme s'il dit ça pour rien. Tout le monde va te dire ça qu'un restaurant, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas un gars qui fait de la restauration qui ne va pas te dire que c'est pas de l'esclavage, un restaurant. Oui, excepté que s'il n'y aurait pas de restaurant... C'est pas ça le point! Le point, c'est que c'est de l'esclavage, un restaurant. T'en veux un, achète-en un, mets quelqu'un là pour le ramener. Ton restaurant. Fait que c'est que tu fais? Tu vas faire un petit tour de temps en temps, tu t'assises dans le coin, tu relaxes, tu prends ton vin, t'es chez vous, c'est ton restaurant, puis t'as du monde là que tu traites bien puis qui travaille bien pour toi. T'as ton restaurant. Puis c'est de même dans n'importe quoi. On est esclave de notre créativité. OK. On ne comprend pas les lois de la conscience créatrice, puis on réalise pas qu'une partie de la conscience créatrice qui passe à travers nous autres est astralisée, facilement astralisable. Tu prends un médecin, tu prends un infirmier qui est à l'hôpital, qui est moindrement sensible, humaniste, qui a eu, quand elle était à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'était dans le temps de Mgr Léger, des flashbacks de la missionnaire, puis qu'elle s'en va à l'hôpital aujourd'hui. Elle est faite à l'os! Elle est faite à l'os. Elle va se brûler. Elle va avoir un burn-out. Elle va vouloir guérir. Puis ça, c'est à l'hôpital. Imagine-toi si elle va dans un asile. T'aliénée. T'imagines, tu vas dans un asile. Puis t'as pas assez intelligent. Heureusement que les médecins ont des cours là-dedans. Les psychologues ont des cours là-dedans. Puis ils savent qu'il faut que tu aies un certain côté de détachement par rapport à ces affaires-là. On n'est pas capable de se détacher de notre créativité. On a beaucoup de difficultés de se détacher de notre créativité. Puis c'est ça qui nous empêche de pouvoir dire non. Puis ça, c'est connecté à notre insécurité. Fait que c'est ça qui nous amène à un burn-out. On est beaucoup plus astralisable qu'on pense. Fait qu'imagine-toi si, pour une raison ou une autre, c'est une petite sœur grise qui est morte qui est en contact l'autre bord. T'es faite à l'os. T'es faite à l'os. Parce que la petite sœur grise, elle va te parler en jeu. Fait que toi, tu vas penser que c'est toi. C'est fini. Mais vous disiez qu'il fallait vivre... J'ai rien contre les petites sœurs grises. Je te donne un exemple de ces grandes âmes qui se sont données au service de... Vous disiez que l'individu avait à vivre une certaine souffrance pour prendre une décision. Au niveau où vous parlez de prendre une décision, c'est-à-dire de ne pas se laisser prendre par le mouvement de la créativité, il n'y a pas de souffrance à cette dimension-là. Le restaurant n'est pas acheté. L'individu qui va dire « Non, je veux pas me faire prendre par l'esclavage parce que quelqu'un m'a parlé et puis je lui reconnais l'intelligence », il n'a même pas vécu l'expérience puis il y a déjà une décision à prendre. Sur quoi repose sa décision? Ça dépend de sa sensibilité à l'écoute. Oui, mais il n'a pas souffert. Là. Moi, j'ai voulu acheter un restaurant l'an passé quelque part, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu ne devrais pas acheter ça », puis je ne l'ai pas acheté. Ouais. Pourtant, j'avais tous les mécanismes, j'avais affiné, j'avais les mécanismes pour me mettre quelqu'un dans le Nord qui pouvait prendre soin de l'affaire. Puis lui, il m'a arrêté dans mon mouvement, puis j'ai arrêté. Puis après ça, quand j'ai regardé le restaurant, je m'étais aperçu que ça a été too much pour moi parce que moi, je ne peux rien faire. Mais là, à ce moment-là, est-ce que c'est vous qui prenez la décision ou c'est l'événement qui prend la décision? C'est moi qui ai pris la décision en fonction de ce que quelqu'un me dit par rapport à l'événement que lui avait déjà évalué. Bon, votre capacité d'écoute de l'intelligence de l'autre, est-ce que ça vient de votre capacité d'écoute à écouter d'autres plans? Ouais, c'est intéressant cette question-là. Ma capacité d'écoute d'écouter les autres est basée sur le fait que je suis capable, si quelqu'un me dit quelque chose, d'aller par en dedans et dire « qu'est-ce que tu parles de ça? » Puis ils vont dire « il a raison. » Là, je pars avec ça. C'est même que ça marche avec moi. Fait que c'est parce que vous avez une capacité d'écoute personnelle pour intérieure puis extérieure. Pour vous-même qui vous permet d'aller voir. Sans ça, je deviendrais esclave de tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que je prends ma femme comme exemple. Ma femme, elle m'arrive avec des bonnes des fois. T'sais, ma femme elle est capable de réellement d'arrêter ma vie. T'sais. Moi, là, je vais faire ça, puis là, elle m'arrête ça. Là, je suis obligé d'aller de l'autre bord complètement. Elle a cette capacité-là. Fait que dans ce temps-là, je vais par en dedans parce que moi, je suis pas capable de penser. Fait que je vais par en dedans, je dis qu'est-ce que tu penses que ce qu'elle dit là? Puis ils vont dire c'est ça. Fait qu'à partir, par exemple, que par en dedans, qui n'est pas astral, qui est mental, ça me dit c'est ça. Là, je m'en vais avec ça. Ben, tu as raison. OK. Puis elle fait probablement la même chose par rapport à moi dans d'autres domaines où c'est moi qui y fait voir quelque chose. Elle va par en dedans, puis elle doit dire, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, puis ça dit c'est ça. Mais ça va de même. Fait que tu as deux référents. Tu as un référent intérieur, puis un référent extérieur. Puis c'est ça qui donne l'écoute. C'est ça. Donc, c'est ça qui vous empêche d'aller jusqu'à la souffrance pour prendre une décision. Vous pouvez prendre des décisions avant. Voilà. Mais pour une personne qui n'a pas cette écoute intérieure-là, elle est obligée de se rendre dans l'expérience, exemple, du restaurant. Elle est obligée de se tremper dans le restaurant. En général, c'est ce qui arrive. Okay. Mais par contre, si les gens sont suffisamment, comme je disais tout à l'heure, sensibles à l'esprit des autres, puis réaliser que les autres ne parlent pas pour rien, mais regarde-les. Notre plus grand, tant que l'homme n'a pas une communication télépathique mentale avec les plans, mais qui utilise la communication qu'il y a avec les hommes, parce que c'est toujours l'homme qui est ton meilleur allié, dans la mesure où il est réellement près de toi, et ainsi de suite. Mm-hmm. C'est un homme. Qui c'est qui est plus proche d'un homme que sa femme ou ses enfants ou ses amis? Qui c'est qui est plus proche? Toi, là, si tu voulais faire quelque chose, là, une connerie, là. Mais ben, je te dirais, check ça. Je te dirais pas, fallait pas. Parce que moi, je m'en mets pas de la vie. Mais je dirais, fais attention à ça, le gros. Fais attention à ça. Non, j'ai connu l'expérience. Ah, c'est ça. Bon, mais quand je dis fais attention à ça, ça veut dire, fallait pas, ça. Oui. Mais, ça fait une couple d'années, je comprends. Je suis poli, puis bon. OK. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on sauve bien du temps avec ça. Ben, évidemment, on sauve du temps. Mais ça passe par en dedans. Ouais. C'est reconnu par en dedans aussi. C'est là. Mais on dirait qu'il y a des gens aussi qui s'adressent à nous avec des choses qui apparaissent intelligentes, puis ils ont tendance à nous faire vibrer. Ils voudraient nous faire prendre une décision. Et puis on sent que la décision qu'ils veulent nous faire prendre se surimpose à, je sais pas, à une expérience qu'on a. Moi, je dis tout le temps qu'on a besoin de vivre, mais de la façon que vous parlez, on n'a pas toujours besoin de vivre. Si l'autre nous informe intelligemment de quelque chose qu'on sait que c'est intelligent, qu'est-ce qui peut faire qu'on est en réaction, je dirais, égoïque avec la manifestation très intelligente d'un autre? C'est parce qu'il y a une affaire de crédit là-dedans. Bon, ça se passe comment, ça? Le crédit, c'est ce que j'appellerais l'affection qu'on a pour l'intelligence d'une personne. Les gens, ils se développent comme une sorte d'affection pour leur intelligence. Comme moi, je trouve ma femme bien intelligente. Mm-hmm. Pas en tant qu'intellectuel de l'Université de Montréal. Non. En tant qu'esprit. Puis elle me fascine. Des fois, elle me fascine. Puis des fois, je vois par là, je dis, elle est intelligente. Hein? Ils disent, ouais, elle est intelligente. J'ai une affection pour son intelligence. Puis, plus tu es proche d'une personne, la femme, les enfants, les amis, tu développes une affection pour leur intelligence. Mais quand tu es rendu que tu as des êtres avec lesquels tu peux avoir une affection pour leur intelligence, c'est facile pour toi ensuite de bénéficier de leur intelligence puis arrêter de vivre l'expérience. Parce que l'être humain sur la Terre a une conscience expérimentale. Donc, l'être humain sur la Terre vit beaucoup d'expérience. L'homme conscient demain vivra un minimum d'expérience. Et l'homme très conscient vivra plus d'expérience. Mm-hmm. Parce que vivre d'expérience, c'est assujettir notre intelligence au pouvoir de l'âme. C'est ne pas vivre au niveau de l'esprit, c'est vivre au niveau des pulsions de l'âme. C'est ça, de l'expérience. Puis un jour, mais t'arrêtes. C'est fatigant de toujours vivre d'expérience, puis vivre l'expérience, puis vivre l'expérience. Un jour, tu vas en arriver à vivre créativement. Donc, l'homme en arrivera à réellement connaître sa destinée. 15 ans, 20 ans d'avance, 30 ans d'avance, il connaîtra sa vie d'avance. Il s'en ira par là d'avance. Mm-hmm. Mais pour ça, ça prend de la conscience mentale. Ça implique vivre beaucoup dans son esprit, de son esprit, en relation avec l'esprit des autres, ceux qui n'ont. Bon, le burn-out, c'est une affaire de décision. Là, on vient de voir aussi qu'il y a une problématique d'écoute, soit d'écoute intérieure ou d'écoute de l'environnement. C'est-à-dire qu'une personne ne ferait pas un burn-out, ce serait l'écoute des autres. Donc, il y a aussi un problème dans le fait de ne pas écouter, là, qu'on vient de dénoter. Il y a un problème de donner du crédit à ceux qui nous avertissent. Bon, est-ce que c'est possible qu'on ne donne pas de crédit à des gens parce que tantôt on les voit intelligents, puis tantôt on les perçoit pas intelligents? Ouais, ça c'est intéressant. Il y a du monde qui sont intelligents. Bon, je te donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui sont capables de régler tes affaires, mais sont pas capables de régler leurs affaires. Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça. Des centaines. Mm-hmm. Ils sont très bons pour te conseiller. No problem. Mais tu regardes leur vie, c'est à terre. Mm-hmm. Je connais un psychologue. Je dis pas que tous les psychologues sont de même. Là. Je connais un psychologue à Saint-Adèle. Il t'a une façon de t'expliquer tes problèmes, puis lui, il est totalement en déconfiture. Fait que ça n'a pas d'allure. Comprends-tu? Bon. Mais par contre, comme il est dégagé de ton problème, il peut t'aider. Par contre, c'est difficile de lui donner du crédit. Tu peux simplement lui donner la valeur professionnelle de son débit. Tu vas lui donner la valeur professionnelle de son débit. C'est un professionnel. Il y a l'étude clinique. Tu vas lui donner la valeur professionnelle de son débit, mais tu ne peux pas lui donner du crédit. Donner du crédit à une personne, faut que la personne soit capable de faire comme les Américains disent, put your money where your mouth is. Mm-hmm. Autrement dit, ce que tu fais, faut que tu le souhaites. C'est ça. Si t'es pas capable d'être si t'es pas capable de faire ce que t'es ou être ce que tu fais, à ce moment-là, je peux pas te donner de crédit. Mais je peux t'écouter parce que t'as de l'expérience professionnelle enregistrée dans ta mémoire. Donc, vous dites qu'on peut pas donner de crédit à quelqu'un qui a pas de vécu. Tu peux pas donner de crédit à une personne qui a pas d'ordre dans sa vie. C'est juste une affaire d'ordre, c'est pas une affaire de vécu. Ah, c'est une affaire d'ordre. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont de l'ordre, mais qui ont pas beaucoup de vécu. Il y a des gens qui ont de l'ordre, mais ils ont pas beaucoup de vécu. C'est pas de l'ordre, ça. Ça, c'est un désordre ordonné. Ma mère, elle a un désordre ordonné. Elle a pas de vécu, mais elle a un désordre ordonné extraordinaire. Sa vie, c'est un désordre ordonné. Ça veut dire que tout est placé, tout est... Tout est placé, touche pas à rien, touche pas au lighter, touche pas au cendrier, puis c'est pas à terre. C'est un désordre ordonné. Tandis que moi, tu peux venir chez nous, tu peux pisser à terre, même je vais aller chez un torchon me l'essuyer. Il m'a dit rien, là, inquiète pas. Ça, c'est de l'ordre créatif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben là, ça demande l'explication. Ben, je vais te le dire. Ouais, je vais pas te mettre dans un état si tu fais pipi à terre. OK. Vous restez... Ben, je suis un petit torchon, on va me pencher, même tu vas être mal, tu vas dire, ben là, mon qui va essuyer mon petit pipi à terre, mais m'en servir de ça pour t'enlever la culpabilité. Ouais. Parce que moi, je travaille tout le temps. Même avec ton pipi, il m'a travaillé. Fait que ça, c'est de l'ordre créatif. C'est de la conscience créative. Il n'y a pas de forme là-dedans, il n'y a pas d'attitude là-dedans. Il y a même des urinologues qui disent que c'est bon de boisson. Mais, ça, je ne veux pas faire de joke. Mais... C'est important l'affaire du crédit, Bernard, parce qu'on se rend compte finalement qu'on pourrait prendre beaucoup, beaucoup de décisions dans notre vie en bénéficiant de l'intelligence des autres, puis on se coupe ouais. Incessamment de cette relation-là avec les autres, justement parce qu'on ne leur reconnaît pas souvent une expérience dans le champ qui nous parle. Il y a des personnes, des fois, qui nous parlent de choses qu'ils n'ont jamais vécues, mais c'est intelligent. Mais le fait qu'on ne voit pas qu'ils ont un diplôme ou 10 ans de vécu dans ça, on donne pas de poids à ça. On donne pas de force à ça. Et puis on dit, ben 3 semaines, 1 mois plus tard, tu avais raison. Mais il est trop tard. On est obligé de prendre la décision à 2e étape que vous parliez. Mais pour éviter un burn-out ou pour éviter des situations même de dépression, les gens ont l'avantage d'aller chercher une communication avec l'autre. Comment on arrive à ça? Est-ce qu'il faut parler beaucoup ensemble ou s'il faut faire un travail intérieur de communication avec... Faut commencer par la base. La première chose à faire, c'est un burn-out. Va voir un psychologue, va voir un curé, va voir une maîtresse d'école, va voir une maîtresse, va voir quelqu'un. Comprends-tu? Okay. Qui va te parler. Autrement dit, tu as besoin des oreilles, va voir des oreilles. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est occulte. Peut-être too much pour toi, tu vas faire un autre burn-out. Va voir quelqu'un qui est normal. Va voir les gens. Il y a des gens qui m'écrivent des lettres, là, puis je le sais, qu'ils ont besoin d'un psychologue, ces gens-là. Mais il y en a qui ont besoin des pilules. C'est pas de la conscience qu'ils ont besoin, puis c'est d'abord des pilules, ils ont besoin d'un psychologue. Ils devraient aller, moi je connais pas les hôpitaux, ils devraient aller à l'hôpital de Saint-Jérôme. Comprends-tu? Ouais. Fait quelque chose, appelle, il y a des associations, va dans une clinique. Plus tard, tu pourras t'intéresser à la communication intérieure. Mais tu peux pas t'intéresser à la communication intérieure quand t'es dans cet état-là, t'es tout astralisé. Fait que va te faire un car wash en attendant, là. Puis après ça, tu pourras faire du Simonize. Mais le monde, ils se font du Simonize par-dessus le char qui est tout crotté. Fait que qu'est-ce qui se passe qu'il y a de l'air, le char? Il est bariolé. Puis quand t'as un esprit bariolé, tu commences à être grave, ton affaire. Bon, là, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. Je devrais vous la lire, mais je la lirai pas parce que ça sera pas fin. Mais si je vous la lisais, la lettre, vous verriez jusqu'à quel point il y a du monde qui ont besoin d'aller se faire un lavage de char. Je suis une psychologue. Bon, c'est effrayant. Cette crédibilité-là, à ce moment-là, l'individu se la construit avec de l'échange, simplement de l'échange. Écoute, on a 75 ans de psychologie dans le monde. On a des études cliniques. On a des professionnels. Il y a des gens sérieux qui peuvent aider l'homme, là, quand il est dans un état de crise, whatever. Parce que la conscience supramentale, puis tout ce que je dis, tout ça, c'est pour du monde qui sont sains d'esprit, ça. C'est pour du monde qui sont rendus à un point, là, faut qu'ils aillent plus loin. C'est pas pour du monde qui sont en de ça. Okay. Commence par trouver un job, là, puis commence à fonctionner normalement, là, puis là, après ça, tu peux aller plus loin. Mais si tu vas plus loin avant le temps, mais tu risques automatiquement de te créer beaucoup d'astralité parce que t'es trop vulnérable. T'es vulnérable. Tu peux pas être vulnérable quand tu rentres dans des territoires de même. Faut que tu sois pas mal solide. Fait que, puis ce qui est pire, c'est que c'est ouvert au public, ça. Tu sais, peut-être un jour, moi, je vais être obligé de refermer ça encore comme je faisais au début, là, dans les années 80, quand je disais, bon, ben lui, il peut venir, lui, il vient pas. Lui, il peut venir, lui, il vient pas. Lui, il peut venir, lui, il vient pas. Fait que il y a beaucoup de jokes, on a fait beaucoup, là je parle aux ésotéristes, aux occultistes, puis les gens qui sont marginaux. Les gens ont fait beaucoup de jokes contre les médecins, contre les psychologues, mais un jour, quand tu te casses une jambe, c'est le médecin que tu as besoin, hein? Puis quand tu as des grosses dépressions, c'est le psychologue que tu as besoin, c'est pas l'ésotériste, ça c'est du surplus, c'est du luxe. C'est du gros luxe. Okay. Donc, dans les structures, quand l'individu a à se dégager du tourbillon de la structure, il faut qu'il prenne des moyens de la structure pour comme se désintoxiquer progressivement. Bien. C'est-à-dire que les structures ont généré le moyen finalement de balancer l'individu dans la structure même. C'est ça. Bon. Le processus décisionnel, une fois que la personne récupère, veut éviter de se replonger dans un burn-out. Là, elle peut commencer à entretenir une écoute, une nouvelle écoute. C'est ça. Bon, cette nouvelle écoute, est-ce que encore là, elle doit y aller simplement dans un échange à caractère psychologique et amical avec ses amis, avec son environnement, pour développer l'écoute? Ça dépend d'elle, ça dépend de sa sensibilité intérieure, ça dépend de son évolution au niveau de l'âme. Une personne qui est très évoluée au niveau de l'âme, elle va voir les réponses. Pourquoi est-ce que j'ai eu un burn-out? Elle va voir pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de contrôler ma vie. Elle va vouloir des réponses. Bon, mais avec tout ce qui se passe, bien, elle peut connecter avec des gens. Puis là, elle a commencé à faire un mouvement dans cette direction-là, faire ce qu'elle appelle une recherche, jusqu'au temps où un jour, bien, elle sera suffisamment avancée par rapport à elle-même, où elle n'aurait plus de recherche à faire. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes pour certaines personnes, je parle. Pour certaines personnes, il y a des étapes. C'est important que vous spécifiez qu'il y a des étapes, parce qu'il y a des gens qui veulent sauter des étapes. Ils veulent arriver à une sorte d'état de conscience pour se libérer radicalement dans un laps de temps court d'une sorte de fardeau karmique ou de tension de vie là, qu'ils sont pas capables d'expliquer. Ils veulent avoir des réponses dans l'absolu plutôt que d'avoir des réponses dans le quotidien. Ouais, mais ça, c'est dangereux parce que ces gens-là, automatiquement, vont vivre un espoir. Le développement de la conscience, c'est graduel. Ça part du plan mental. Ça ne vit pas au niveau de l'ego. Quand tu vas aux Indes rencontrer un gourou, ça, c'est au niveau de ton ego. Ouais. Quand tu veux rentrer dans un rose-croix, ça, c'est au niveau de ton ego. Ça, c'est au niveau de ta recherche spirituelle, au niveau de l'ego. Mais quand tu parles de conscience, c'est à partir de ta source. Puis c'est ta source qui détermine quand est-ce qu'elle va l'ouvrir, ça, quand est-ce qu'elle va te mettre en vibration, t'sais? Fait que c'est pas au niveau de l'ego. Puis plus l'ego est impliqué dans ce processus-là, plus c'est long. Puis si l'ego est trop impliqué dans ce processus-là, à ce moment-là, ça peut être même traumatique pour l'ego. Parce que là, il va s'astraliser. C'est pour ça que la vie, nous, on vit tous les jours, il faut qu'on les vive là comme on vit. On travaille, on a des enfants, blablabla. Puis on the side, on regarde, tu regardes ce qui se passe, puis t'avances, mais tu laisses pas tomber ce qui se passe au niveau des structures. Sans ça, tu te débalances. Tu me verrais-tu arriver ici avec une grande robe blanche, puis une petite fleur, là, puis des chaussettes dorées, là, puis toi, petit moine, c'est à côté de moi, là. Verrais-tu de l'air drôle? C'est l'homme conscient, c'est pas un être spirituel, c'est un être intelligent. Il n'y a pas de spiritualité dans un être conscient. Il y a trois états de conscience. La matérialité, la conscience matérialiste, il y a conscience spirituelle, puis il y a conscience pure. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Puis ça peut comprendre le monde spirituel, puis ça peut comprendre le monde matériel. Dans la conscience pure. La conscience pure. Elle comprend. Moi, je suis capable de comprendre l'importance des religions, puis tout ça. Puis je suis capable de comprendre l'importance qu'il y a des compagnies qui produisent des biens pour une société qui en a besoin pour faciliter l'expérience du corps matériel. Je suis capable de comprendre ça. Je suis capable de comprendre l'importance de la science. Mais au niveau du mental, t'es libre des catégories de ces plans-là. Donc, tu deviens anonyme, tu deviens normal. Normal dans le sens que vous véhiculez anonymement dans toutes les formes. Tu te véhicules anonymement, puis tu bénéficies. Moi, j'étais allé à New York en fin de semaine. Là. J'ai eu du fun, j'étais allé voir Miss Saigon. Je suis allé voir Kafka. Je suis pas allé voir Kafka pour étudier Kafka, puis qu'est-ce que Kafka dit, puis qu'est-ce que Kafka pense. Mm-hmm. Je suis allé voir Kafka pour goûter de l'esthétique, de l'expérience cinématographique en fonction de l'esprit créatif de ce type-là des années 30. Puis ça, j'ai eu du fun. Je suis allé voir Miss Saigon, j'ai bien ri. Je suis allé manger. J'ai bien mangé. Moi, je mange pas gros, mais là, j'ai bien mangé parce que ça faisait partie. J'ai eu du fun. Je m'ai gaufré là, pour changer ma vibration, pour sortir de chez nous, parce que chez nous, c'est tranquille en maudit. Fait que je suis allé d'une ville un petit peu dynamique. Puis je suis pas inquiète. Fait que j'ai pas peur de me faire arnaquer sa rue parce que je suis conscient. Mm-hmm. Fait que quand je vais à New York, moi, je vais à New York comme si c'était à Montréal, puis j'ai eu du fun. Mm-hmm. Fait que je vis ma vie. Je vis ma vie. Donc, un individu conscient intègre à peu près toutes les formes. Intègre tout, parce qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Je suis allé au musée. Il y a des belles choses. Une personne consciente, une personne qui est plus normale qu'une personne. Ah, ben, effectivement, elle est plus normale. Mais la chose la plus intéressante d'une personne consciente, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Oui. Tu sais, se prendre au sérieux, c'est dangereux. Hein? Oui. Surtout quand tu rentres dans le culte de la conscience, quand tu rentres dans la psychologie supramentale, quand tu commences à rentrer dans les lois des plans astraux, là, puis le monde astral, le monde de la mort des désincarnés, puis les lois luciférienne qui gèrent tout ça, là, t'es mieux d'être bien balancé pour avoir une job à tous les jours. Parce que si t'as pas ça, automatiquement, tu risques de pervertir ta conscience, d'astraliser ta conscience. Ouais. Faut être très normal, puis c'est pour ça, puis c'est dans ce sens-là que je comprends pourquoi des grandes institutions comme l'Église catholique ont toujours empêché que l'homme se mette le nez dans les choses comme ça. Mmh. Tout ce qui est divination puis tout ça. Parce que c'est dangereux, c'est astral. Mmh. Je comprends pourquoi le gouvernement américain puis les gouvernements à l'échelle mondiale veulent pas parler du phénomène OVNI. Parce